L'actualité à Nancy et ailleurs. Découvrir le fort de Villers-le-Sec de jour ou de nuit et replonger dans l'histoire de notre région, c'est possible cet été. Cyril Mougenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association La Citadelle, qui s'occupe donc de restaurer et de gérer ce lieu. La Citadelle, donc, c'est une association qui a été créée en 1973, qui a pour but de gérer le fort, de l'entretenir et de faire découvrir aux visiteurs. Rappelez-nous un peu la particularité de ce fort. Alors, le fort de Villers-le-Sec fait partie des forts construits par ces au vu de la Première Guerre mondiale. C'est un fort de ceinture qui ceinture la place forte de Toul. Donc il y a d'autres forts comme celui-ci. En tout, ces réserviers, alors c'est construit à peu près 450 entre Nice et Dunkerque, qui bordait toute la frontière. Le fort de Villers-le-Sec fait partie de tous ces forts. La particularité, c'est que le fort de Villers-le-Sec a été construit autour du village, puisqu'à l'époque, on construisait à l'écart du village. Villers-le-Sec est le seul cas unique en France qui a été construit autour du village parce que l'armée voulait absolument cette position. Les dates de construction du fort, c'est 1874-1879. Et l'association donc existe depuis 1973. Dans quel état aujourd'hui est ce fort qu'on peut visiter? Le fort, depuis maintenant presque, puisque l'année prochaine on va fêter les 50 ans de l'association, le fort évolue chaque année un petit peu plus. Donc on récupère sur la végétation, puisque la végétation avait un petit peu repris le dessus. On est en train de restaurer de la maçonnerie, puisque à Villers-le-Sec, aussi la particularité, nous avons 3,5 km de murs, de murailles, qui font 7 mètres de haut. Donc voilà, ça demande de la restauration. On a encore toutes les pièces d'artillerie qui fonctionnent, notamment les tourelles, dont on a encore deux qui sont en très très bon état. Donc on essaie de préserver tout ça, donc ça demande énormément de travail. Alors vous connaissez le fort depuis longtemps ? Alors moi, je suis à la Citadelle depuis 2005. Depuis 2005, donc j'œuvre en tant que bénévole sur la restauration, l'entretien et j'organise des visites. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, personnellement, par rapport à ce lieu ? Moi, je suis tombé complètement amoureux de ce lieu. Bon, je suis un passionné de l'histoire, notamment la Première Guerre mondiale. Le secteur aussi, vraiment amoureux du Toulois, des côtes de Meuse qui sont derrière. Le panorama est vraiment superbe. Les gens vont venir voir le fort. Ils vont comprendre pourquoi l'armée a absolument voulu construire le fort autour du village, parce qu'il y a un panorama de dingue. On est à 20 km de la ligne de front de l'époque. On voit la plaine de la Wèvre, on voit toutes les côtes de Meuse qui remontent. Et moi, ce lieu m'a surpris, me motive à chaque fois que j'y suis pour travailler, faire des travaux de forteresse, on pourrait dire. Voilà, je suis un passionné de ce lieu. C'est étrange à expliquer, mais voilà, c'est venu comme ça. Le plus simple après, c'est de venir visiter. Alors vous faites des visites aussi, et avec l'été, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Il y a même des visites de nuit de possibles. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Le fort se visite de journée principalement. Essentiellement, c'est les dimanches, jours fériés. Et l'été, il est ouvert quasiment tous les jours entre le 14 juillet et le 15 août. Il y a une seule visite par jour à 15h. Et depuis maintenant un an, on organise des visites nocturnes. Donc c'est une immersion dans l'ambiance que pouvaient être les forts à l'époque avec l'éclairage à la lanterne. Donc c'est une balade de 2-3 heures qui tourne autour du fort, à l'intérieur du fort. Et on prend le petit train, puisqu'à Villers-le-Sec, on a le particulier d'avoir un train à voie étroite. Donc tout ce parcours se fait uniquement à l'éclairage à la lanterne. Donc les nocturnes, il y en a une tous les 15 jours à partir du 18 juin. Les horaires sont fluctuants, donc j'invite vraiment tout le monde, enfin tous ceux qui seraient intéressés par cette visite, qui est vraiment totalement différente de la visite de journée. Et j'invite d'ailleurs les gens à limite à faire les deux, puisqu'on ne parle pas les mêmes choses, on ne voit pas les mêmes choses, de se reporter soit au site internet de l'association du Fort de Villers-le-Sec, soit la page Facebook, soit la page Instagram. On peut les trouver en tapant Fort de Villers-le-Sec, Villers, je précise, c'est E-Y. Et de là, vous avez toutes les informations possibles. Pour les nocturnes, il faut absolument faire une réservation par SMS ou par téléphone. Le numéro est le 06 11 55 33 74. Voilà, 06 11 55 33 74 pour visiter le fort de nuit. Là, il est important de réserver. Vous pouvez accueillir combien de personnes en même temps? Alors, en visite de nuit, on plafonne à 60 personnes, à la fois pour des raisons de sécurité et des raisons pratiques. Sur le train, on peut mettre grand maximum 70 personnes. Donc, de nuit, on ne sait pas faire plusieurs trains. parce que ça manque du personnel. Donc, on limite à un groupe de 60. En journée, par contre, il n'y a pas de limitation de place. Et en journée, je précise, il n'y a pas besoin de réserver. À partir du moment où vous allez dans les créneaux indiqués sur les dimanches, soit sur la période estivale entre le 14 juillet et le 15 août, tous les jours sauf le lundi. Donc la visite toujours à 15h, donc toujours se présenter un petit peu avant les visites. Il n'y a pas besoin de réserver. Par contre, la nocturne, c'est vraiment impératif. Vous avez quelques projets pour le fort et des rénovations en cours? Des rénovations, il y en a en permanence. On a la batterie sud qui prochainement devrait s'ouvrir au public et à la location. Et surtout, on est en train de travailler pour l'année prochaine, 2023. C'est les 150 ans du fort et les 50 ans de la citadelle. Donc, on espère pouvoir organiser des événements qui sortent de l'ordinaire. Et quand vous parlez de location de batterie sud, ça veut dire quoi? La batterie sud a été complètement rénovée. On est en train de terminer, de finaliser les choses. Elle va pouvoir être louée pour organiser des mariages, des réunions, des communions, des choses comme ça. C'est un endroit qui va servir un petit peu comme une salle des fêtes, mais dans un lieu atypique. Voilà, un lieu atypique à découvrir de jour et de nuit. Le plus simple, c'est de faire les deux visites. C'est le fort de Villers-les-Secs. Et bien entendu, on retrouvera les liens vers les différents sites et réseaux sur le site de la radio avec cette écoute de cette interview. Merci beaucoup, Cyril Mougenot. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.